On pourrait voir cette ville sans drogue, en vérité ils nous en donnent, ce sera bientôt légalisé, ils savent très bien que ça nous endort. Parfois j'oublie le passé, cervelle cassée, moi je vis sans trop de logique. Encore un son qu'il faudrait placer sur skunk anthologie. Y'a du shit quand y'a plus de zèbre, face au verre on tisse cul sec. Fumette des buvettes, nous on s'empête, du Audi QZ. Parfois pressé, toujours précis, j'opère à la Niptec. Collage de speed dans le bâtiment, c'est la cannabis cup. Défoncé comme ma plume, les ongles noirs, des jeux de squelette. Une sale allure, j'suis comme la lune, j'me couche à l'heure où le jour se lève. Si t'as fini ton verre à l'aise, on remet ça comme la danette. Une vie pas nette, là c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack Daniel. Si tu le savais le pitch, tu me tentes à faire de la merde, les flics te sentent. Mec, tu vas te perdre au fil du vent, si tu te la pètes depuis que tu vends. J'ai plus de polliage des du clan, on voit le porin en tutu blanc. J'suis pire que l'orage, j'suis à l'aise, à l'orage avance dans leur apprenti tu bans. Dans la tête c'est gauche, droite des poches, tard des grosses barres. Pas de galette des rois, ici y'a que la galette des clochards. Sous les graves, y'a de la haine sous les doigts, c'est bientôt l'examen du foie, on révise tout. Les soirs ils veulent nous traîner dans la boue, on a le blues, les poumons calcinés. Demande à nounours, c'est pas toujours de la bouffe qu'à sur la gazinière. Quand les standards s'entassent, que le foie est plein d'entailles. Moi et ma taille, c'est le grand amour. Et tous les soirs, c'est la Saint-Valentin. Y'a plus une ville sans drogue, en vérité, ils nous en donnent. Ce sera bientôt légalisé, ils savent très bien que ça nous endort. Parfois j'oublie le passé, cervelle cassée, moi je vis sans trop de logique. Encore un son qu'faudrait placer sur skunk anthologie.